C'était le général de brigade Ngendabanga Marius, chef d'état-major adjoint interarmes. Signalons que ces Jeux ont débuté en 2005 et ce sera la deuxième fois que le Burundi accueille ces Jeux militaires. Les élèves qui suivent l'enseignement post-fondamental en province de Bobanza s'inquiètent du manque de documents pédagogiques, les livres du maître et des élèves. Et ils pensent que ce deuxième trimestre risque d'être annulé pour eux. Le peu de livres disponibles sont de loin suffisants selon ces enseignants qui demandent au ministère de tutelle de résoudre ce problème. À la direction provinciale de l'enseignement, on précise que le problème est déjà connu et que le rapport est déjà transmis au ministère. Spes Caritas Kavanyana. À la sixième semaine de ce deuxième trimestre de l'année scolaire, les élèves de l'enseignement post-fondamental disent que les activités vont mal suite au manque de livres d'enseignants et des élèves du deuxième palier. À certaines écoles, surtout celles dotées de nouvelles sections comme la section pédagogique ou la section normale, sciences sociales et humaines, la section scientifique et autres, les élèves passent le temps dans des salles de classe, dans des occupations personnelles, ou à faire des exercices pour ceux qui peuvent en avoir, selon les directeurs qui ajoutent qu'au début de ce trimestre, ils ont eu le temps d'achever les programmes du premier palier et qu'ils ont tous terminé. Pour certaines sections, il manque à la fois les guides du maître et des élèves. Pour d'autres, seulement les guides des élèves sont disponibles. Et encore, pour d'autres, on y trouve seulement peu de guides du maître. À la direction provinciale de l'enseignement, on indique que le problème est connu et que le rapport est déjà transmis au ministère. Le directeur provincial de l'enseignement appelle plutôt au directeur de s'arranger à faire des photocopies des livres déjà disponibles pour continuer à travailler en attendant d'autres manuels scolaires. Et le paludisme est en recrudescence en province de Muyinga. Les habitants des contrées localisées à moins de 700 mètres d'altitude attendent toujours la mise en œuvre de la campagne de pulvérisation intradomiciliaire pour lutter contre les moustiques. Une campagne annoncée depuis 3 mois déjà pour 2 districts sanitaires. Correspondance de Dieudonné Zeyman. Dans les 2 salles de pédiatrie à l'hôpital de référence de Muyinga, au moins 2 enfants malades sont couchés sur un même lit. La majorité de ces enfants souffrent du paludisme. Les patients affluent aussi vers les centres de santé. Les professionnels de santé parlent de flambée de cas de paludisme. Dans la province de Muyinga, les mesures de prévention s'imposent, telles la pulvérisation intradomiciliée. Une campagne relative a été annoncée depuis novembre l'an dernier. Des enquêteurs guidés par les administratifs à la base ont fait le tour des habitations localisées à moins de 100 mètres d'altitude à partir des marais aux sources d'eau. Ils indiquaient préparer la campagne de pulvérisation pour détruire les moustiques vecteurs de malaria. 3 mois après, les habitants ciblés par les enquêteurs attendent impatiemment la mise en œuvre de la campagne promise. Le docteur Eric Ngunzimana, directeur de la province sanitaire de Muyinga, reconnaît la situation de flambée du paludisme, même si depuis ce mois de février, les effectifs de patients diminuent d'après son responsable sanitaire. A-t-on abandonné la campagne de pulvérisation? Pas de réponse claire. La communication continue avec les responsables du programme lutte contre le paludisme. Autour de 100 000 habitations et connexes seraient concernées par la dite pulvérisation dans 5 communes regroupées dans 2 districts sanitaires de Muyinga, savoir Gachoro et Muyinga. Dieudonné Zeyimana, Muyinga pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné. Et en province de Bururi, on nous rapporte qu'il y a flambée des prix du riz et des grains de maïs dans plusieurs coins de cette province, et cela dans moins de mois. Certains grossistes de ces produits évoquent la rareté de ces produits au marché, une situation compliquée par la dévaluation du franc burundais. Jean-Pierre Misago. Là où ils sont encore disponibles au chef-lieu de la province de Bururi, au centre de Kiremba et à Buta, les grains de maïs s'achètent à 1600 francs boulot kilo, alors qu'ils étaient à 1250 ou 1300 francs burundais le kilo. Il y a près de 3 semaines, dans la même période, le riz de dernière qualité est passé de 1700 francs burundais le kilo et frôle actuellement 2400 francs boulot kilo. Certains parmi les détaillants de ces produits informent que leurs fournisseurs parlent de pénurie, notamment du riz, à leur point d'approvisionnement à Gitega et en mairie de Bujumbura. S'agissant du riz et du maïs importés de la Tanzanie, certains grossistes ont déposé le tablier de peur de se retrouver ruinés. Ils expliquent que les frontières sont presque imperméables pour ces produits, une situation aggravée par par la dépréciation de la monnaie burundaise par rapport au shilling tanzanien, dont 10 000 sont échangés contre 12 300 francs burundais, selon certains changeurs de monnaie contactés. La situation est identique à Matana et Christian Nkurunziza, gouverneur de Bururi, appelle à sa population de ne pas écouler toutes les récoltes de maïs au marché, comme tel se manifeste déjà dans certains coins de cette province. Jean-Pierre Misago de Fururi, Radio Isanganiro. Les familles qui vivaient du tournage de films dans les maisons chef-lieu de la province ou bien dans les communes de la province Karoussi demandent que leurs maisons soient réouvertes après leur fermeture par décision du gouverneur. Ils demandent l'encadrement de l'administration pour continuer cette activité qui fait vivre leur ménage. Blaise Pascal Kararoumiye. Que ce soit au chef-lieu de la province Karoussi ou bien dans les différentes communes de cette province, les maisons de films ou de cinéma sont fermées et cette activité commerciale n'est plus autorisée dans toute la province de Karoussi. Les propriétaires de ces maisons où se faisaient tourner ces films indiquent que c'est depuis le mois de janvier passé qu'ils ne travaillent plus suite à la mesure du gouverneur de cette province. Ils signalent que leurs ménages ne vivaient que de cette activité génératrice de revenus et qu'ils ont été complètement surpris de cette interdiction sans avoir commis de fautes, regrette-t-il. La lettre du cabinet du gouverneur, dont l'objet, je cite, « interdiction de tournage des films », il est adressée aux administrateurs communaux pour recommandation. Elle stipule que c'est dans l'optique de mieux encadrer la jeunesse en perdition et l'amener ainsi à s'atteler à des activités génératrices de revenus. Elle fait mentionner que c'est pour lutter contre la délinquance et le désœuvrement de la jeunesse. Signalant qu'en s'adressant au gouverneur, ses propriétaires n'ont pas eu d'ample explication pour cette interdiction de tournage des films, les propriétaires de ces maisons demandent au moins qu'il y ait un encadrement de l'administration dans la réalisation de cette activité génératrice de revenus, en leur autorisant au moins quelques heures pour qu'ils fassent vivre leur ménage. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumiye pour la radio Isanganiro. À la source, reportage. Je l'avais annoncé dans les titres, le reportage de ce lundi nous conduit en commune Gisuru de la province Ruyigi où les élèves de la 10e année qui ont échoué l'édition précédente du test national à l'école fondamentale de Kawuyenge reçoivent une formation qui leur permettra de mieux préparer encore une fois cette épreuve. Ces élèves suivent leur formation dans une salle d'église de l'église Pentecôte sur cette colline, faute de salle de classe. Le directeur de cette école, Gilbert Ndinghabandi, indique que cette école sous convention s'est aussi arrangée pour leur trouver un professeur vacataire qui donne les cours de sciences. Oban Nyonguru s'est rendu à Gisuru en province de Ruyigi. Il est de retour. Voici son reportage. La voix est de Marius Kwizerimana, un des élèves de l'école fondamentale de Kawuyenge en commune Gisuru. Celui-ci et 23 autres élèves de la même école qui ont échoué au test de la 10e année s'est fait inscrire pour pouvoir passer le test de l'année scolaire en cours. C'est après le communiqué du ministère de l'Éducation qui leur a donné cette prérogative. Ils venaient de passer 5 mois en chômage. Étant donné qu'actuellement la vie est très dure quand on n'a pas fait des études, j'ai préféré poursuivre mes études pour voir si je peux devenir comme mes prédécesseurs pour arriver à quelque chose. Ici, dans notre commune, les écoles de métier sont très éloignées de là où nous vivons, car on peut parcourir à peu près 54 km sans trouver une école de métier, d'où les difficultés de faire une formation d'un métier. Cette classe comptait 72 élèves. Seuls 26 ont réussi au test national de la 10e année. Ceux qui se sont fait inscrire sont au nombre de 24. Yvonne Sibossé, elle aussi élève autodidacte, fait savoir qu'il y en a ceux qui sont partis poursuivre leurs études en Tanzanie, tandis que d'autres jeunes filles se sont mariées. Certains, après avoir vu qu'ils ont échoué, ils se sont dit « on n'a pas le choix », ils ont pris le chemin vers la Tanzanie. Les uns disaient qu'ils vont faire les études dans les camps de réfugiés. Il y en a ceux qui se sont mariés, notamment certaines filles qui disaient que c'est terminé pour elles et suivaient des hommes qui leur proposaient le mariage. Le directeur de cette école, Gilbert Ndinghabandi, souligne qu'ils se sont arrangés à leur trouver une salle et un enseignant vacataire. Les autres enseignants sont des volontaires.